France Musique. Merci Nathalie Piollet, je vous souhaite de bonnes fêtes et on vous retrouve sans faute l'année prochaine, enfin dimanche prochain à 10h. France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the bathroom. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Fanny Brice était une star des années 20. À l'époque où Miss Tinguette créait la chanson « Mon homme » de Maurice Yvain au Casino de Paris, elle triomphait avec sa version anglaise « My Man » sur la scène des Ziegfeld Follies de New York, entourée d'une nuée de jeunes filles plus ou moins habillées. 40 ans plus tard, c'est en incarnant le personnage de Fanny Brice à Broadway puis à Londres que Barbara Streisand allait à son tour devenir une star grâce à la comédie musicale « Funny Girl ». Pour la première fois depuis 50 ans, ce spectacle est remonté à Londres. C'est cette comédie musicale, Punchy, que nous avons mis ce matin sur la grande affiche de la 42e rue, le brunch de France Musique au goût de comédie musicale et de fête de Noël. J'ai bien dit Punchy. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection or freckle on the nose of life's complexion, the cinder or the shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once, only can die once, right, sir? Ooh, life is juicy, juicy, and you see I'm gonna have my bite, sir. Get ready for me, love, 'cause I'm a simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud of rain on my parade. I'm gonna live and live now. Get what I want, I know how. One roll for the whole shebang. One throw, that bell will go clang. Eye on the target and wham. One shot, one gunshot and bam. Hey, Mr. First time that I'm in love with you. Gosh, I'm lucky, I've got beginner's luck. There never was such a smile or such eyes of blue. Gosh, I'm fortunate. This thing we've begun is much more than a pastime. For this time is the one where the first time is the last time. I've got beginner's luck, lucky through and through. For the first time that I'm in love with you. C'est l'un de nos disques préférés de l'année 2015, l'enregistrement de Un Américain à Paris, la comédie musicale créée Cocorico il y a un an tout juste au Théâtre du Châtelet et qui continue de faire le plein de l'autre côté de l'Atlantique à Broadway avec des chansons de George Gershwin en plus qui ne figuraient pas dans le film de Gene Kelly comme ce I've Got Beginner's Luck dansé magistralement et chanté par Robert Fairchild. Le Châtelet qui multiplie les réussites à Broadway, faut bien le dire, puisqu'on a appris cet automne que le Chanton sous la pluie, actuellement à l'affiche de Robert Carson, sera aussi monté de l'autre côté de l'Atlantique sous la houlette de Harvey Weinstein, le producteur au cinéma de Quentin Tarantino qui a décidé de se lancer dans la comédie musicale. Autre nouveauté de l'année que nous aimons, un album qui vient de sortir, compilé par Ken Bloom, éminent spécialiste de Broadway. Alors c'est un double album composé de raretés d'un des grands auteurs, compositeurs, John Kander, on lui doit Cabaret, Chicago ou encore la chanson New York, New York. Dans cet album, Ken Bloom a rassemblé un nombre impressionnant de maquettes, de chansons de ses spectacles, d'enregistrements inédits, dont par exemple, eh bien, la maquette de Cabaret, interprétée par John Kander au piano et son compère parolier Fred Ebb. What good is sitting alone in a room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to

a girl isn't pretty like a Miss Atlantic City, she should dump the stage and try another route. Any guy who pays a quarter for a seat just feels he oughter see a figure that his wife can't substitute. Kid, my heart ain't made of marble, but your rhythm's really horrible, and that nap of yours just ain't no valentine. Everything you got's about right, but the damn thing don't come out right. So forget it, kid, and just resign. If a girl isn't pretty, if a girl isn't pretty, if a girl isn't pretty, if a girl isn't pretty, if a girl isn't pretty, she should get a job, go get a job, get any job, get a weekly pay. If a Girl Isn't Pretty, Jean Stapleton, Kay Medford et Danny Meehan à la création du spectacle en 64. Alors est-ce que c'est Funny Girl qui a fait de Barbra Streisand une star ou est-ce que c'est elle qui a fait de Funny Girl un grand succès? En tout cas, tout arrive en même temps en cette année 64. Le projet d'adapter la vie de Fanny Brice, cette vedette dans les années 20 des Ziegfeld Follies en comédie musicale, a connu, bon comme c'est souvent le cas dans les comédies musicales, une genèse mouvementée. C'est l'idée de sa fille, de son beau-frère, qui pense d'abord à Anne Bancroft pour le rôle, qui décline la proposition en écoutant les chansons. Barbra Streisand apparaît alors comme une évidence au compositeur Julie Stein. Il faut, selon lui, une femme de caractère, ethnique, comme l'était Fanny Brice. Et pourtant, Streisand, elle n'a que 22 ans. Elle est au tout début de sa carrière. Elle chante dans un petit club du Greenwich Village, le Bonsoir. Elle vient de se faire remarquer dans un rôle secondaire à Broadway, une secrétaire hystérique, Miss Marmenstein. Et elle va imprimer tellement sa personnalité au personnage de Fanny Brice dans Funny Girl que c'est certainement la raison pour laquelle ce spectacle n'a jamais été remonté en 50 ans. Écoutez-la, Barbra Streisand, dans un enregistrement très rare, sa toute dernière performance dans le rôle à Broadway. Alors on est au début de la comédie musicale, son personnage n'est pas vraiment joli, d'accord, mais elle a de la volonté. Elle est prête à tout pour entrer dans une troupe, elle montre ses talents de comédienne et elle exprime « Oui, dans mes bagages, j'ai 300 expressions de personnages, je suis la plus grande star ». Comme si vous étiez à Broadway, le 26 décembre 1965, au Winter Garden Theatre. In this evening's performance, the role of Fanny Brice will be played by Barbra Streisand. Mr. Ryan, oh listen, look, suppose all you ever had for breakfast was onion roll. Now, all of a sudden, one morning, in walks a bagel. You take a look at it, you say, what is that? Until you tried it, that's my trouble. I'm a bagel on a plate full of onion rolls. Nobody recognizes me, listen. I got 36 expressions. Sweet as pie to tough as leather. And that's 6 expressions more than all them paramours put together. Instead of just kicking me, why don't they give me a lift? It must be a plot, cause they're scared that I got such a gift. Well, I'm miffed, cause I'm the greatest star. I am by far, but no one knows. Anyway, they're gonna hear the voice of silver flute. Woo-hoo, woo-hoo, don't cheer each tune. Hey, that kid is terrific when I expose it. Now can't you see to look at me that I'm a natural Camille, as Camille I just feel. I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bending. Here, you hear a story about the traveling salesman? A thousand jokes stick around for the jokes. A thousand faces I reiterate. When you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no axe to grind. Hey, what are they mind in all of the world so far? I'm the greatest star. Who is the pip with pizzazz? Who is all ginger and jazz? Who is as glamorous as? Who's an American beauty rose? Funny Girl, c'est une de ces comédies musicales qui est passée par des hauts et des bas avant d'ouvrir. 5 dates de première retardées, 3 metteurs en scène qui jettent l'éponge, dont Jérôme Robbins, des stars comme Anne Bancroft qui font faux bond, un producteur, David Merrick, qui laisse tomber. Au départ, le producteur Ray Stark souhaitait raconter la vie de Fanny Brice en film. Il commande à la scénariste d'Hollywood Isobel Lennart un scénario qui n'intéresse aucun studio. C'est Marie Martin, la comédienne de Broadway qui vient de créer le rôle de Maria dans La Mélodie du Bonheur, qui sauve le projet. Le rôle l'intéresse. Alors d'accord, on fera d'abord une pièce de théâtre chantée. Première réunion de travail, 1962, autour de la table, il y a Marie Martin, le compositeur Julie Stein et Steven Sondheim, qui laisse tomber à son tour. Il estime que le rôle de Fanny Brice doit être interprété, je cite, par une actrice ethnique. Marie Martin se retire. Mais le projet n'est pas complètement au point mort. Le compositeur Julie Stein se met au travail avec sa façon si particulière de concevoir la vie. Il compose en Floride, entre deux fêtes et quelques jeux d'argent. Il refuse de reprendre les chansons qu'interprétait Fanny Brice. Il compose des numéros qui ont le goût des années 20. Comme ce grand numéro des Ziegfeld Follies, un tableau de dizaines de girls au milieu desquelles Fanny se fait remarquer. « His love makes me beautiful ». The most beautiful bride in the world, and we are the very lucky gents who'll be standing at the sides of the scintillating brides, Florence. little bride is typified by Christmas frosted fairies. And though the weather's changeable, her virtue never varies. The springtime bride is starry-eyed, and poets often say, no other bride would dare to dream the dreams that April. The summer bride is glorified by Merlin's magic touch. A lucky man receives the love of June, July, and such. The autumn bride is prudent and wise at sweet 16 or 20. And as a wife in future life, she'll hold the horn of plenty. His love makes me beautiful. Dans le film Funny Girl ce matin sur la grande affiche de la 42e rue de France Musique. Funny Girl qui raconte donc la vie de Fanny Bryce, c'est une success story. La jeune fille a grandi dans un milieu pauvre de New York. Elle est parvenue en haut de l'affiche à force de volonté et aussi, faut bien le dire, grâce à la rencontre avec une sorte d'ange gardien qui lui permettra de gravir une à une toutes les marches. Il s'appelle Nick Arnstein. C'est un joueur et parieur invétéré. Lorsque Funny Girl est adapté au cinéma en 1968, c'est Omar Sharif qui va incarner Nick Arnstein. Et c'est Jérôme Robbins, le metteur en scène de West Side Story, revenu sur le projet à la fin pour peaufiner le tout, qui va suggérer au producteur de modifier la chanson de Nick Arnstein lorsque les deux personnages se retrouvent à Baltimore dans une chambre d'hôtel rouge pour enfin consommer leur amour. Alors voilà, lui roucoule toujours pour la draguer, mais elle, en contrepoint, raconte ses états d'âme. You are woman, I am man. You are smaller, so I can be taller than. You are softer to the touch. It's a feeling I like feeling very much. someone I've admired. Still, our friendship leaves something to be desired. Does it take more explanation than this? You are woman, I am man. Let's kiss. Isn't this the height of nonchalance? Furnishing a bed in restaurants. Well, a bit of dinner never hurt, but guess who is gonna be dessert? Do good girls do just what mama says? When mama's not around, it's a feeling. Ay, ay, what a feeling. A bit of pate. I drink it all day. Should I do the things he'll tell me to in this pickle? What would Sadie do? In my soul, I feel an inner lack. Just suppose he wants his dinner back. Just some dried out toast in a sliver. On the top, a little chopped liver. Oh. Most girls slip in ordinary ways. I got style, I do it Bordelais. Well, at least you think I'm special. You ordered a la carte. It's a feeling. I like feeling very. I feel the feeling down to my toes. Now I feel that there's a fire here. Oh, try that once. A little higher, dear. What a beast to ruin such a pearl. Would a convent take a Jewish girl? Take more explanation than this. Ooh, the thrills and chills going through me. If I stop him now, can he sue me? You are woman. Le compositeur de Funny Girl se nomme Jules Stein. On lui doit des dizaines de comédies musicales comme Les Hommes préfèrent les blondes ou des standards de Frank Sinatra. Et on pourra fêter dans 4 jours sa naissance. Il est né il y a quasiment, jour pour jour, 110 ans, le 31 décembre 1905. Double carrière à Hollywood, puis à Broadway. Son vrai nom, c'est Julius Stein. Ses parents viennent d'Ukraine, marchand de beurre, marchand d'œufs. Ils ont émigré à Londres, puis sont partis à Chicago. Julius, lui, est précoce en musique. Il débute même une courte carrière d'enfant prodige à 7 ans, alors que ses parents se saignent sur les conseils d'amis pour lui acheter un piano droit. Il va jouer en douce dès l'âge de 12 ans dans des clubs de striptease, les fameux burlesque shows. Son parcours est impressionnant. À Chicago, il croisera certes les grands joueurs de jazz, mais aussi il jouera pour Al Capone. Avant de partir à New York, lorsque ça devient un peu trop chaud, il devient coach vocal. C'est comme ça qu'il se fait un nom. Et qu'Hollywood l'appelle au début du cinéma parlant. Il sera aussi coach vocal, par exemple pour Charlotte Temple, avant de composer des chansons pour les premiers films de Frank Sinatra. Du coup, il entame sa carrière à Broadway plutôt tardivement, après 40 ans, mais se rattrape en devenant le compositeur le plus prolifique. Il y aura Gypsy, Peter Pan, Bells Are Ringing et puis Funny Girl en 64. C'est pour Funny Girl qu'il écrit l'une de ses plus belles chansons, People. Alors c'est l'idée du parolier qui, à la lecture du script de Funny Girl, avait pointé une expression qui revenait souvent, une personne très spéciale. People va devenir le premier tube de Barbra Streisand et c'est une chanson qui a failli être supprimée du spectacle parce que les producteurs la trouvaient un petit peu trop philosophique pour ce personnage. Je vous lis les paroles. Les gens qui ont besoin des gens sont les hommes les plus chanceux de la Terre. Écoutez d'abord Julie Stein interpréter au piano sa propre chanson et puis ensuite Barbra Streisand. Travel single, oh, maybe we're lucky, but I don't know. With them just let one kid fall down and seven mothers faint. I guess we're both happy, but maybe we ain't. People who need people are the luckiest people in the world. We're children needing other children. deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Funny Girl n'a jamais été remontée sur scène depuis 50 ans. Et alors certains disent que c'est parce que Barbara Streisand avait trop marqué le rôle de son empreinte. Et puis d'autres que le livret est trop faible et que le spectacle ne peut marcher sans une vedette du charisme de Streisand. On a dit que Julie Stein avait donné à ses chansons le goût des années 20. Eh bien l'exemple le plus frappant le voici. Il s'intitule « The Music That Makes Me Dance », une chanson aux notes bleues qui fait immédiatement référence et pensée à « Mon homme » de Maurice Yvain. La voici interprétée de deux manières différentes, très jazzy grâce à Carmen McRae et très péchu grâce à Judy Kuhn. To me, love is no go till fiddle and oboe start weeping, wailing. That's my fate. Thunder I hear in advance. His words alone are the words that can start my heart singing. And his is the only music that makes me dance. He'll sleep and he'll rise in the light of two eyes that adore him. Adore him it might, but he won't leave my sight for a glance. In every way, every day, I need less of myself and need more him, more him. 'Cause his is the only music that makes me dance. Simple addition, then swear that the figures are lying. I'm a much better comic than mathematician, 'cause I'm better on stage than at intermission. And as far as the man is concerned, if I've been burned, I haven't learned. I know he's around when the sky and the ground start in ringing. I know that he's near by the thunder I hear in advance. Are the words that can start my heart singing. And his is the only music that makes me dance. He'll sleep and he'll rise in the light of two eyes that adore him. Bore him it might, but it won't leave my sight for a glass. In his is the only music that makes me dance. Yes, his is the only music that makes. D'autres chansons de Funny Girl sont devenues des standards. Écoutez, par exemple, cette reprise de Who Are You Now par Barbara Cook. C'était au Carnegie Hall. Thank you. Funny Girl est créé le 26 mars 1964 à Broadway. Il rencontre un grand succès et va recevoir 8 nominations aux Tony Awards. Meilleure actrice, meilleur acteur, meilleur spectacle, meilleur compositeur. En fait, il repartira bredouille de la cérémonie parce que tout ira cette année-là à Hello Dolly. Ça n'empêche, le spectacle sera ensuite montré à Londres en 1966, toujours avec Barbara Streisand, et adapté au cinéma avec Omar Sharif en 68. L'actualité des comédies musicales à Londres avec notre partenaire Eurostar, c'est justement la reprise pour la première fois depuis 50 ans, depuis sa création, de Funny Girl. Alors le metteur en scène est américain, on doit Michael Myers, Edwige and the Hungry Inch à Broadway avec Neil Patrick Harris, L'Éveil du Printemps, American Idiot, et sa vision de Funny Girl est certes traditionnelle mais stylisée et fidèle à l'esprit des années 20. Des couleurs passées, des miroirs fatigués qui reflètent les souvenirs de Fanny Bryce puisque l'histoire est en flashback, des ampoules frémissantes comme dans de vieux cabarets et surtout une Fanny tout en subtilité. C'est la nouvelle coqueluche britannique, Sheridan Smith, qui incarne l'actrice. Alors cette fois, elle n'est pas exubérante comme Streisand. Elle est forte, mais calme et plus rentrée. Et elle construit son personnage par petites touches avec délicatesse et nous donne à la fin de sacrés frissons. Le spectacle, avec un tout petit orchestre de 8 musiciens, se donne à guichet fermé jusqu'à début mars dans la toute petite salle du Chocolat Meunier Factory. Toutes les places se sont vendues en 90 minutes. Mais étant donné son succès, eh bien, il se jouera aussi durant 12 semaines à partir d'avril au Savoy Theatre. Alors il n'existe pas encore d'enregistrement de cette production avec la voix de Sheridan Smith. Ce que je vous propose, c'est d'écouter une chanson qui n'était pas dans la production de Funny Girl à sa création en 64. Il faut dire que Julie Stein explique qu'il avait écrit 40 chansons, dont 25 sont passées à la trappe. Et Michael Myers a décidé d'en réintégrer quelques-unes, en particulier un numéro pour le futur mari, donc Nick Arnstein, qui est joueur, qui est ange gardien et qui est parfois borderline, puisqu'il se débrouille avec certaines personnes pour un peu gagner de l'argent. Une chanson intitulée Temporary Arrangement, qui est ici interprété au piano par Julie Stein. It's a temporary arrangement. When you're down, there's nowhere to go but up. I find that lady luck changes affection. Fortune's a fickle dame. Haven't run into them lately, but both of them know my name. It's a temporary estrangement from the crystal dish and the silver knife. But there's another side to the coin. Tomorrow night, tenderloin, 'cause a temporary arrangement is the only permanent thing in life. From the crystal dish and the silver knife. But there's another side to the coin. Tomorrow night, tenderloin, 'cause a temporary arrangement is the only permanent thing in life. Funny Girl à découvrir à Londres. Il reste des places, je crois, à partir du mois d'avril. Et comme le dit François sur la page Facebook de 42e rue, pourquoi pas un jour en France? Plus d'informations sur la page de 42e rue, en tout cas sur francemusique.fr, avec le podcast et le streaming. Et vous pouvez donc nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Vous étiez sur la 42e rue de France Musique, proposée par Laurent Vallière, préparée avec Martine Moni, avec à la technique Delphine Baudet et à la réalisation Perrine Mingui. Passez de très bonnes fêtes. On se retrouve dimanche prochain pour un concert autour des œuvres de Stephen Sondheim. Et vous avez rendez-vous juste après le journal avec Renaud Machard. Rideau.